Book 2 24 24 24 المواعيد Le rendez-vous Le rendez-vous هل قد فاتك الباص للتو الحافلة As-tu raté le bus As-tu raté le bus لقد انتظرتك للتو نصف ساعة Je t'ai attendu pendant une demi-heure Je t'ai attendu pendant une demi-heure ألا يوجد معك هاتف جوال As-tu oublié d'amener ton portable avec toi As-tu oublié d'amener ton portable avec toi كن دقيقا في المرة القادمة. Sois plus ponctuel la prochaine fois. Sois plus ponctuel la prochaine fois. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Prends un taxi la prochaine fois. Prends un taxi la prochaine fois. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Amène un parapluie la prochaine fois. Amène un parapluie la prochaine fois. غداً عندي عطلة. Je suis libre demain. Je suis libre demain. هل سنلتقي غداً؟ Pouvons-nous nous rencontrer demain? Pouvons-nous nous rencontrer demain? يؤسفني. غدا لا يناسبني. Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. Je suis désolé. Demain, cela ne me convient pas. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ As-tu prévu quelque chose ce week-end? As-tu déjà prévu quelque chose ce week-end? أو قد صرت متواعدا؟ Où as-tu déjà rendez-vous? Où as-tu déjà un rendez-vous? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. Je propose que nous nous rencontrions ce week-end. هل نقوم بنزهة؟ Voulez-vous faire un pique-nique? Voulez-vous faire un pique-nique? هل نسافر إلى الشاطئ? Voulez-vous aller à la plage? Voulez-vous aller à la plage? هل نسافر إلى الجبال? Voulez-vous aller à la montagne? Voulez-vous aller à la montagne? سأخذك من المكتب. Je viens te chercher au bureau. Je viens te chercher au bureau. سأخذك من المنزل. Je viens te chercher à la maison. Je viens te chercher à la maison. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Je viens te chercher à l'arrêt de bus. Je viens te chercher à l'arrêt de bus.